Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 19 avril 2017. Voici les grands titres de cette édition. Cette femme, originaire de Moussigati, qui avait quitté leur foyer pour rejoindre les enseignements bibliques de Zébi, sont dernièrement rentrées, mais ont malheureusement trouvé que leur mari avait pris d'autres femmes. Notre correspondante nous décrira les conflits qui en sont éclatés. À un peu plus de deux semaines de la tenue d'un nouveau sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, prévu le 10 mai prochain, le parti UPRONA estime qu'il y a encore des questions préoccupantes pour le Burundi et qui devraient retenir l'attention de ces derniers. C'est notamment les questions liées aux prisonniers politiques, aux réfugiés et aux médias. Cinq étudiants de l'Université du Burundi, arrêtés dernièrement, ont comparu en chambre de conseil du tribunal de grande instance en commune Mukaza. Le tribunal dispose de 48 heures pour se prononcer sur la régularité ou pas de leur incarcération. Et des élus collinaires viennent d'être démis de leurs fonctions et immédiatement remplacés en commune Vianda pour destruction des aires protégées, ce qui est une faute lourde. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Jean de Dieu Ndaïsenga. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Parmi plus de 300 personnes, majoritairement des femmes de la colline Massaré en commune Moussigati, ayant suivi des enseignements bibliques de Zébi, sept sont dernièrement revenues dans leur famille. Les conflits ont alors éclaté dans ces familles puisque leurs maris qui sont restés se sont remariés. Le procureur de la République, Abou Banza, appelle les gens lésés à saisir la justice. Spes Caritas Kabanyana, décris-nous, vous êtes en direct. Les adeptes de la nommée Ezebi ont beaucoup travaillé dans la commune de Moussigati en 2015, où plus de 334 personnes, en majorité des femmes de la colline de Massaré, dans la même commune de Moussigati, sont parties avec ses adeptes il y a à peu près deux ans. Ils sont restés sans nouvelles durant les deux ans. Dans ces moments de retour, des conflits familiaux se manifestent déjà dans les familles parce que certains des hommes qui sont restés sur la colline se sont remariés. L'une des femmes qui était partie et qui est dernièrement revenue demande hébergement chaque jour chez les voisins. Son ancien mari s'est remarié et il a refusé de l'accueillir. Cette personne sont déjà de retour, comme cette femme. Et cinq hommes qui sont restés sur la colline se sont remariés selon les administratifs à la base sur la colline de Massaré dans la commune de Moussigati. Ceux qui retournent indiquent, sans beaucoup de détails, qu'ils étaient en République démocratique du Congo et qu'ils ont fui une guerre qui allait éclater en 2015, selon les enseignements de la part de ses adeptes. De son côté, le procureur de la République, Abou Banza, appelle ces personnes à saisir la justice au lieu de se lancer dans des conflits familiaux. Richard Ndayisaba, procureur Abou Banza, précise que les conflits liés au divorce, au remariage et aux abandons de famille doivent suivre des procédures judiciaires. C'est Caritas Kabanyana, Abou Banza, Radio Isanganiro. Merci Spes. C'est à la veille du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Le 10 mai prochain, le parti UPRONA estime que les questions qui restent toujours cruciales pour le Burundi et qui devraient être étudiées sont entre autres celles liées aux réfugiés, aux prisonniers politiques, celles des médias, etc. Poncien Ndayishimiye, c'est le porte-parole de l'UPRONA. Il demande que les chefs d'État de la communauté apportent leur contribution pour l'aboutissement rapide du dialogue inter-burundais. Suivez-le au micro de Léon Suitario. Si la question du Burundi était traitée, l'UPRONA s'attend à ce que les chefs d'État de la sous-région donnent des orientations claires pour une issue rapide et positive du dialogue inter-burundais, car du point de vue de l'UPRONA, le dialogue piétine. Quel serait, selon vous, le mot que devrait avoir la délégation burundaise lors de ce sommet? C'est qu'il va pour défendre une paix durable dans notre pays. Nous défendons aussi le retour des réfugiés et des leaders politiques en exil. Troisièmement, du point de vue de l'UPRONA, nous demandons que les prisonniers politiques soient libérés parce que nous avons besoin de leurs forces pour développer notre pays. Enfin, nous parlons également de la société civile, des médias, et ici on demande que leurs questions soient traitées rapidement pour qu'elles fonctionnent à la normale. Concernant le dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha, il y a des gens que le gouvernement ne veut pas qu'ils participent et il y a le facilitateur qui a déclaré que fin juin, il y aura déjà eu un accord. Est-ce que c'est possible selon vous? Nous pensons que le mois de juin, ce n'est pas possible qu'un accord soit signé. Dans un mois, c'est trop proche pour qu'une solution soit trouvée. Pour la question des protagonistes, donc des participants au dialogue, nous pensons que cette question a été résolue dans la récente session de dialogue qui s'est tenue à Arusha parce que le médiateur nous a classés dans différentes catégories. La question qui subsiste, c'est peut-être la question qui a été posée par le médiateur au chef de l'État concernant l'immunité des gens qui sont poursuivis par la justice. Sinon, pour les participants, nous pensons que la question a été réglée. C'était Poncien Ndayishimiye, c'est le porte-parole de l'UPRONA. Il répondait aux questions de Léonce Vitaliho. 6 parmi les élus collinaires sur certaines collines de la commune Vianda en province Bururi ont été démis de leurs fonctions et remplacés depuis lundi de cette semaine. L'administrateur de cette commune informe qu'ils ont commis des fautes administratives lourdes, dont la destruction des aires protégées. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misagro. Emmanuel Nimenya, chef de colline Karehe, dans les mains de la police depuis ce vendredi pour destruction de la réserve naturelle de Vianda dans sa partie de Kaberenge, est parmi ses élus collinaires limogés puis remplacés depuis ce lundi. Certains habitants de Vianda interrogés pensent d'ailleurs que le limogeage de cet élu collinaire a été le début d'autres limogeages, notamment les chefs de colline Karirimbia, Kigutu et Gitwaro, de même que le deuxième élu collinaire de Nyakabenga et le cinquième élu collinaire de Mushishi. Nyezimana Diodone, administrateur communal de Vianda, dit que les fautes administratives comme la destruction de l'environnement, la polygamie, la complicité dans la vente et la consommation des boissons prohibées et drogues, la perturbation des activités des comités mixtes de sécurité, le non-respect des autorités reprochées à ces élus collinaires, sont des fautes intolérables, raison de leur remplacement selon les articles 180 de la loi électorale et 48 de la loi communale. L'administrateur communal de Vianda dit que les chefs de zone auront à présenter à la population concernée ces nouveaux responsables collinaires avant la fin de cette semaine en cours. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Dans la suite de ce journal, je venais de vous le dire en titre, 5 étudiants de l'Université du Burundi ont comparu ce mercredi en chambre de conseil du tribunal de grande instance en commune Mukaza. Ce tribunal aura à se prononcer en ayant 48 heures si leur incarcération est conforme à la loi. Ils sont poursuivis pour diverses infractions, dont la préparation d'un mouvement insurrectionnel au sein des campus universitaires. Ces étudiants ont été arrêtés à des endroits différents et c'est après que les délégués de classe aient adressé une correspondance au président de la République pour demander la suppression du nouveau décret instituant le système de pré-bourse. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Isanganiro. Les agents de déposition pour le compte de la commission Vérité et Réconciliation ont été désignés sur différentes collines des communes de la province Muyinga. Au moment où il y a ceux qui grognent pour n'avoir pas été retenus, le conseiller principal du gouverneur de la province Muyinga leur demande de comprendre que ces agents n'ont pas obtenu des postes d'emploi rémunérés. Les détails avec notre correspondant Dieudonné Nzeyimana. L'opération de désignation de des agents de déposition par colline pour le compte de la commission Vérité et Conciliation Sévère se clôture avec cette semaine au niveau des communes. Sur les 7 communes de la province Muyinga, 5 ont déjà présenté les listes au bureau du conseiller principal du gouverneur en charge du processus de recrutement dans cette province. Entre autres conditions que doit remplir un agent de déposition, c'est avoir à niveau d'études minimum 10e, ne pas appartenir aux organes dirigeants d'un parti politique et être de bonnes mœurs. Le respect des équilibres genre ethniques est recommandé, mais à l'heure actuelle, certaines collines n'ont aligné que des Hutus ou encore des hommes uniquement. Des voix parlent aussi de la discrimination faite par certains administratifs à la base, à l'endroit de certains individus taxés de ne pas être bien reconnus sur les collines. Jean-Pertima Simhavansi, conseiller principal du gouverneur de la province Muyinga, reconnaît qu'à certaines collines, L'exigence d'entretien et retour par colline n'a pas été respectée, faute de souci dans certaines localités. Pour ceux qui doutent de la transparence dans le processus de sélection de ces agents, ce conseil indique que la désignation a eu lieu lors des réunions mixtes entre les élus collinaires et des représentants d'autres secteurs de la vie des communes et de Martelet. Ce ne sont pas des offres d'emploi rémunérés qui ont été lancés. C'est pourquoi on n'a pas tenu à demander à toutes les personnes désireuses d'emploi de postuler. Ces listes seront présentées à la CVR pour valider les listes définitives de ces agents de déposition. Dieudonné Nzeyimana, de Mwinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. L'agro-industrie au Burundi est moteur de développement. C'est l'assistant du ministre du Commerce et de l'Industrie qui l'a affirmé ce mercredi lors du lancement de la première édition de la semaine dédiée à la promotion des produits transformés localement. Les exposants apprécient une telle activité et sont unanimes sur la part importante de ces produits dans le développement du pays. Suivez quelques-uns qui étaient au micro de Mireille Kanyank. Nous avons apporté l'huile de tournesol soit avec le tourton. Les membres de l'OTC qui sont en nombre de 30 ans à un flamme. On va essayer tout le service, trachis, horrible. Suivant les quelques changes de tout pouvoir en plein temps. Notre produit à Hawa Jambo sont justement s'aligner les Africains pour que vous rendez un temps de. Vous voudrez bien nous excuser pour cette mauvaise qualité sonore de cette interview, de ce micro-trottoir presque. Aimable Ngunzumwami, assistant du ministre de l'Industrie et du Commerce, affirme que ce secteur a une grande valeur ajoutée. Ce secteur apporte une grande valeur ajoutée aux produits agricoles locaux et importés. Cela permet aux détenteurs des unités de transformation de dégager une marge bénéficiaire qui contribue peu à peu au bien-être non seulement de leurs familles respectives, mais aussi pour devenir des bons contribuables pour notre pays. L'objet de cette semaine de promotion de l'agroalimentaire sur le thème « Agro-industrie, moteur de développement de notre pays » et de mettre au devant de la scène les produits transformés en particulier les produits transformés localement, mais respectant un minimum de normes pour être compétitifs sur le marché local tant qu'international. Nous osons espérer que d'ici quelques années, l'agro-industrie au Burundi aura franchi un pas important et les produits transformés pourront non seulement être consommés localement, mais aussi dans la sous-région et au niveau international, grâce à leur compétitivité en quantité et en qualité. Aimable Nkunzumwami, c'est l'assistant du ministre de l'Industrie et du Commerce dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyangé. Dernier élément de cette édition, cap sur Ruyigi, où nous retrouvons notre correspondant Jean-Claude Chimirimana. C'est pour nous rapporter qu'une somme de 6 000 francs burundais, équivalente à la taxe marché mensuelle, et celle qui a été ajoutée au coût de location des stands au marché de la ville de Ruyigi. Les commerçants opérant au dit marché s'indignent contre la société de gestion de ce marché en disant que la tarification qu'elle vient de sortir n'est différente en rien de celle rejetée en février dernier. À cet effet, ils demandent que la gestion de ce marché revienne aux mains de la commune. Jean-Claude Nshimirimana. Oui, Jean Bosco, c'est une réalité. Selon les affiches signées ce mardi par le gestionnaire de la société de gestion du marché de Ruyigi, une somme de 500 francs de taxes par jour de marché qui fait un total mensuel de 6 000 francs burundais est celle qui a été ajoutée au coût de location des stands au marché de la ville de Ruyigi. Également, de par la nouvelle tarification, la Sogemaru a cédé aux commerçants 2 000 francs burundais que chacun d'eux payait pour le compte des sentinelles, ce qui fait que chaque commerçant payera désormais 4 000 francs burundais de plus par rapport à la somme qu'il payait auparavant, y compris la part des sentinelles. De leur côté, les commerçants s'indignent contre cette nouvelle tarification. Certains parmi leurs représentants disent que seule la terminologie de justification a changé pour garder la même tarification rejetée en février dernier et que cette hausse n'a pas été fixée proportionnellement au tarif qui était en vigueur selon la superficie des stands d'autre part. À cet effet, même si ces commerçants disent qu'ils vont se soumettre, ils demandent que ce marché de Ruyigi soit rétrocédé à la commune car selon eux, la Sogemaru cherchera à réaliser des intérêts après avoir honoré ses obligations envers la commune. De son côté, Jean Bosco, Dieudonné Chitegetse, administrateur de la commune Ruigi, dit qu'il est actuellement impossible d'envisager la rétrocession de la gestion de ce marché à la commune tant que le contrat signé entre la commune Ruigi et la Sogemaru expirera en 2020. Toutefois, il tranquillise les commerçants en disant que la Sogemaru ne reverra pas à la hausse le coût de location des stands sans concertation préalable avec l'administration. Merci Jean-Claude Nshimirimana en direct depuis Ruigi et sur Isanganiro. Et c'est par cette correspondance que nous refermons ce journal en nous excusant pour les quelques ratés dans cette édition. Mais nous vous rappelons que cette femme originaire de Musigati qui avait quitté leur foyer pour rejoindre les enseignements bibliques de Zébi sont dernièrement rentrées, mais ont malheureusement trouvé que leur mari avait pris d'autres femmes. Et à un peu plus de deux semaines de la tenue d'un nouveau sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine prévu le 10 mai prochain, le parti Uprona estime qu'il y a encore des questions préoccupantes pour le Burundi et qui devraient retenir l'attention de ces derniers. C'est notamment les questions liées aux prisonniers politiques, aux réfugiés et aux médias. Et cinq étudiants de l'Université du Burundi arrêtés dernièrement ont comparu en chambre de conseil du tribunal de grande instance en commune de Mukaza. Le tribunal dispose de 48 heures pour se prononcer sur la régularité ou pas de leur incarcération. Enfin, des élus collinaires viennent d'être démis de leurs fonctions et immédiatement remplacés en commune Vianda pour destruction des aires protégées, ce qui est une faute administrative lourde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, particulièrement à Christella Nizigama. Merci également à Jean Dodieu Ndaisenga pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.